la jeune artiste n'avait pas de temps à perdre devant, à 6 heures juste, présider sa table d'hôte. Elle haletait, n'en pouvant plus. D'abord, elle retira de son cabas une chaîne de montre avec un papier, puis différents objets, des acquisitions. « Tu sauras qu'il y a, rue Joubert, des gants de Suède à 36 sous. Magnifique. Ton teinturier demande encore 8 jours. Pour la guipure, j'ai dit qu'on repasserait. Bugnon a reçu la compte. Voilà tout, il me semble. C'est 185 francs que tu me dois. » Rosanette alla prendre dans un tiroir 10 napoléons. Aucune des deux n'avait de monnaie. Frédéric en offrit. « Je vous les rendrai, » dit la Vannaz, en fourrant les 15 francs dans son sac. « Mais vous êtes un vilain. Je ne vous aime plus. Vous ne m'avez pas fait danser une seule fois l'autre jour. » « Ah, ma chère, j'ai découvert qu'Voltaire a une boutique, un cadre d'oiseaux-mouches empaillés qui sont des amours. À ta place, je me les donnerai. Tiens, comment trouves-tu ? » Et elle exhiba un vieux coupon de soie rose qu'elle avait acheté au temple pour faire un pourpoint Moyen-Âge à Delmar. « Il est venu aujourd'hui, n'est-ce pas ? » ?»« Non, c'est singulier. » Et une minute après, « Où vas-tu ce soir ?»« Chez Alphonsine, » dit Rosanette, ce qui était la troisième version sur la manière dont elle devait passer la soirée. Mademoiselle Vannaz reprit. « Et le vieux de la montagne, quoi de neuf ?» Mais, d'un brusque clin d'œil, la maréchale lui commanda de se taire, et elle reconduisit Frédéric jusque dans l'antichambre pour savoir s'il verrait bientôt Arnoux. « Priez-le donc de venir. Pas devant son épouse, bien entendu. » Au haut des marches, un parapluie était posé contre le mur, près d'une paire de socs. « Les caoutchoucs de la Vannaz, » dit Rosanette. « Quel pied, hein ? Elle est forte, ma petite amie. » Et d'un ton mélodramatique, en faisant rouler la dernière lettre du mot, « Ne pas si fière !» Frédéric, enhardi par cette espèce de confidence, voulut la baiser sur le col. Elle dit froidement, « Oh, faites, ça ne coûte rien. »